Comment le peuple Toffin, venu du pays Adja, a-t-il conquis l'eau et bâti Soava? Voici l'histoire. Autrefois, tous les ancêtres Toffin habitaient la cité Adjatado. Mais un jour, un grave problème de succession au trône secoua et divisa le royaume. Le roi est mort, sa fille ne peut régner, mais elle a un fils qu'elle propose à la royauté. L'enfant devenu grand, la princesse lui présenta pour procéder à l'acquisition du trône. Mais les sages s'y opposèrent, disant qu'un enfant illégitime, même né d'une princesse, ne méritera aucunement de royaume. Alors les dissensions s'élevèrent. La dynastie de la princesse décida alors de quitter le royaume une fois pour toujours et d'aller vers une destination inconnue. Ils bâtirent plusieurs hameaux à leur passage. Leur destination finale a été Alada. Là, l'un des hommes issus du royaume d'Issidan se fortifia et devint le roi d'Alada. Le deuxième s'aventura par les terres nord du royaume d'Alada. Et d'amour en amour, il installa une chefferie. Qu'il appela la chefferie d'Abomé. Le troisième forma le royaume de Rogbonou sur les rives est du royaume d'Alada. Ainsi, de la descendance de l'ancien royaume Adja, ils retrouvèrent leur dignité sur les nouvelles terres. C'est donc là qu'ils vivaient. Ils y restèrent jusqu'à la nuit, puis le lendemain, ils prirent la route pour Soava. Très vite, il fallait s'adapter à la nouvelle nature de leur local, bâtir des bateaux et bien sûr pilotis. C'est ainsi que ceux qui furent la guerre des Blancs, des Rasiens, de Verts, de Toffins. Alors débuta une vaste campagne de reconnaissance de terrain. Wedo, Kento, Lopoea, Lopo, Sochangwea, Sochangwe, Dekamewea, Dekame, Wedubajiwea, Wedubaji, Kanvier que tout le monde connaît, fut la destination finale. Vivre sur l'eau était une chose complètement nouvelle pour ce peuple, car sur terre, ils avaient une facilité à acheter, à commercer. Mais comment fallait-il faire pour s'en sortir, pour vivre? C'est alors qu'ils eurent l'idée de construire des maisons sur pilotis, avec des bois. Et les tiges de bois. Alors, ils commençaient à bâtir des maisons sur pilotis. Grâce aux arbres et aux bois qu'ils trouvèrent sur les îles, ils construisirent de grandes cités, au moins quatre, Ganvier, Sozunko, Kwedoubadji, C'est donc sur le lac Mekwe que le peuple Tofin bâtit sa maison, en se disant, désormais voici notre demeure. En quittant Awasoyagé pour Soava, ils transportèrent leurs fétiches avec eux, leurs cultures, leurs cultes, hérités depuis le royaume Adja. Ils transportèrent ces pratiques jusqu'à Soava. Étant venus de plusieurs terres, et d'autres terres, lorsqu'il est remplissé au fur et à mesure, leur permettait de se déplacer vers d'autres terres, mais avec leur culture. Ainsi, il n'y a aucune différence dans les pratiques que faisaient les ancêtres depuis longtemps. Ils adorent le vaudou. Il y en a tellement. Vaudou. Il y a le vaudou Otawea. Dans Sapataweya. Sapata. Ayurwedouwea. Adouwedou. O Avado Bokonu. Avado Bokonu. Aklakbejiwea. Aklakbeji. Anikliwea. Anikli. O Yesupo. Il y en a tellement. Bon, il n'en sait. Il y en a tellement. Et il les vénère toutes. Hey, waje fio. O zoli beji eton le o. Toji hunje iranza. Boto aseko. Ai filebo ipo metu ile o. Toji me anazo. Keke ru fine ya. Moto ru fine ya. O bayi mo ru fine o. Uwe iranza. Uwe binu. Béton, les nos doigts. Le doc bétomé. Le yen a qui souvent, je suis François. Le do ta péname. Nan mon pipouéwa, soit vagon. Do tofi bémé. Et oui, tofi bé. Et le béné de voyo. Et des pires font des photos, des photos. Je suis là pour vous donner un peu de temps. Je suis là pour vous donner un peu de temps. Je suis là pour vous donner un peu de temps. Je suis là pour vous donner un peu de temps. Nwe mi no waru fi ta won ewe intoji o kan wi ku me o beto kan le gbamo no wa tonu no yi toji to ti alopa lopa wetin mi no do akaja Minon yindo, minon dondo, minon kundo, minon dudo, minon le gle, gle tengbe jure yin, ama glewe minon le, monon doje, mene le debu mebo non blo. O, walo minton lo mi yuwanu, nwe yo go si a chakbe jile, mo non blo hun yinton le weya, kany hun weya, o vodun yo go si a jaton le weya, Fodun koko ya gambala waya. Nwene le biyo, minombro lo kwenu kwenu. Mide adesuwa. Minon se gbeto kuku durondo yewira. Mekuwe du yesu. Nambide yon fo. Kaka meyene ndiswa. Ene wa wuzu numese yon yon fotu. Deyru walo miton meyo. Ene. Nou teme teme. O acho didu miton leyo. Minon yon anumbono do. A fodu po le kere, minon do. Walo minton mina o da si yo, to minton le wano do, asye mina dan mi. O, alo, o, walo yo voton wawa, bo, chuton wawa tim. Amon, chobo nan da, asye lo to di yo, Pomele igbe o agba mi nona nune inda kore inona da gba onji o ewe intoji hun poto o asepo ewe yin keketon de ina do ton supo mi ton na do ton mi no do hun gege toji hun gege tona do hun ton nona do fide suna do e ma do hun supo a na do ton bona ito me o Evewu. Akholu tabinton de siyan wugan akholu tale biyo ewe yin akholu de chevi lenon doye. Yeda yedwa akholu kakakabu yi wewe. besin sukolu agboji kaka abuwa je o pohazun jidiyo de ikodo bone eta edi de ibruru apumedon eje ganvio doporu sokome doporu takome meyi akolu de pla ganvi na idon ino yoro aburugbe aburugbe kuduo inamo gbewu kakaka wa jeti eje so tan khuyo minamo bazumele plan le sule ile wa fine bo ile do akolu iton yan irero akolu sula de mi diru tojio ene ene lo la bari jio le melego sin aja o wa to fion sin tan emi sine